C'est vrai que l'organou, donc cet orgue modulaire qui ressemble à un poulpe, c'est l'acousmonium, c'est le bon terme. C'était un petit peu ça a été conçu un peu comme étant une sorte d'étalon pour circonscrire le son. Mais aussi, on se laisse parfois un peu déborder parce que c'est aussi devenu un peu un objet scénique, énorme, encombrant. Mais aujourd'hui, ici à Saint-Gervais, si on a pu le placer comme voilà pour la fonction à laquelle il était destiné, c'est de pouvoir envelopper les auditeurs, le public, voilà. Alors oui, il y a plusieurs morceaux où on utilise. Par exemple, le spinard. C'est des moyens de créer de son continu. Donc, prévu un morceau qui commence avec de différents degrés du bruit blanc. Donc, c'est pour ça la radio aussi, ou le spinard. Et des crécelles. Et encore d'autres choses, il y a aussi une sorte de machine à vent et aussi l'électronique qui fait du bruit blanc filtré ensuite dans l'espace. Donc on travaille un peu avec ce vocabulaire comme une sorte de recherche aussi, hein, de certains on peut dire éléments basiques, non, élémentaires. Yann Wysocki, Léo Morel, Julien Desailly, Prune Béchaud, Adrian, il est pas là, alors je... Adrian Smith. Non, Arden Day. Attends, je le refais. Arden Day. Thank you. Ouais, et bah du coup, en fait, on s'est rencontrés en 2015 à Dangolsheim, en Alsace, au cours d'une sorte de résidence où on s'est retrouvés pour jouer ensemble. On se connaissait pas forcément tous les uns les autres. Et donc on a commencé à travailler dans une église, l'église Saint-Pancras, et à aller chercher en fait à l'intérieur de l'orgue comment placer des micros pour écouter les mécaniques, comment jouer avec les registres pour envoyer plus ou moins de pression d'air dans les flûtes. Et on est devenu un groupe, on a même sorti un premier disque. C'était pas forcément... c'était pas forcément le plan, c'est arrivé comme ça. Et il y a un super label londonien qui nous a suivis, qui nous a beaucoup aidé, et puis qui a pu, donc qui est dirigé par Mark Harwood, qui est le label Penultimate Press. Grâce à ça, on a commencé un peu à tourner avec ce projet. Assez vite, on s'est retrouvé avec la problématique de jouer sur des orgues, mais les orgues sont dans les églises et les églises sont pas toujours forcément accessibles pour ce type de musique, ou enfin voilà, et aussi l'envie d'aller explorer d'autres acoustiques. Donc il y a eu la création de la fabrication, la conception de cet orgue, l'Organou, qui nous permet de voyager. Et là, depuis l'été dernier, on est sur un projet de troisième disque qui serait la rencontre entre ces deux univers, entre l'acoustique, j'ai envie de dire liturgique, enfin des églises, des orgues d'église, et tout ce qu'on a découvert de presque profane, du côté presque mobile de l'orgue, qui relie peut-être à l'orgue de Barbarie, à la programmation musicale, mais aussi dans les timbres. Julien, tu utilises des cornemuses qui ont des sons d'animaux, etc. Enfin, et Prune aussi avec les cordes boyaux du violon baroque. Il y a quelque chose d'assez animal dans beaucoup de dynamiques musicales qu'on explore. Donc voilà, cette espèce de troisième volet de notre travail explore une sorte de porosité entre profane et sacré, quoi. Tu voulais que je dise quelque chose. Ce que je pourrais ajouter à ce que disait Léo, c'est que c'est vrai que la matière qu'on travaille, c'est beaucoup le souffle, en fait, l'air, surtout sur ce dernier projet-là. Et c'est vrai qu'avec mes instruments, qui sont surtout des instruments à vent, cornemuse, donc je joue de la gaïda, donc une cornemuse bulgare, et Ivian Pipes, qui est cornemuse irlandaise. Il y a des similitudes de timbres, on s'appuie beaucoup sur des analogies de timbres pour essayer de se fondre le son de l'orgue dans des instruments, et inversement, que les instruments ajoutent de la souplesse, par exemple, à l'orgue. On essaie de... C'est une espèce de... Comment dire C'est encore une addition à cette idée de jouer collectivement l'orgue. Donc l'orgue, on peut jouer à 5 cet orgue à nous, et en plus ajouter des éléments qui finalement viennent se greffer à cet orgue. Voilà. Ça nous arrive un peu tout le temps que parfois les autres ne savent pas qu'on est en train de jouer. Et c'est parfois justement une sorte de synthèse additionnelle, je dirais, qui se crée avec l'espace. Et ensuite, oui, il faut quand même se rappeler qu'on a joué. Parce que... Donc, c'est un petit peu aussi ce qu'on découvre au temple Saint-Gervais. Bon, au fur et à mesure des concerts et des disques, etc., on a exploré pas mal de problématiques. Et en fait, là, on a tout accumulé. Et je crois qu'on est peut-être presque un peu dépassé par la complexité de tout ce qu'on invoque. Et du coup, entre autres, la complexité de l'espace entre le lointain et le proche, la spatialisation, on a fait le choix de pas faire une façade et d'inclure le public, etc. Mais je crois que ça nous dépasse pas mal, ce qui fait que il y a des choses qui se passent dans un endroit de l'église et on n'entend pas, en effet, quand il y a un tel qui joue, etc. Quand on se rapproche, on l'entend. Donc ça, c'est sûr, ce qu'on entend individuellement n'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas une place, il y a plusieurs places. C'est... Mais ça sera pareil pour le public, je pense. C'est un écoute un peu individuel, sélectif. Mais dans l'ensemble, ça permet des expériences différentes, justement, par rapport à l'emplacement. Un trouble aussi, j'ai l'impression, qu'on cherche par rapport à la provenance des sons. Enfin, y a plein de moments où on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et nous-mêmes, on sait ce qu'on est en train de faire quand même, mais il y a certains sons où on peut être surpris de se dire « Ah, mais en fait, il y a un autre son qui ressemble vraiment à ce que je suis en train de faire de l'autre côté, qui est en fait fait par quelqu'un d'autre. » Je pense qu'on joue beaucoup aussi sur ces jeux de provenance et de textures tellement proches qu'en fait elles se confondent. Déjà, je pense que ce qu'on cherche, c'est pas la pureté. J'ai plutôt l'impression que, justement, on cherche à changer un petit peu cette image de l'orgue qui est associée au cadre liturgique et qui est associée à certaines pratiques de l'instrument. Et au contraire, on va plutôt chercher des sons qui sont pas purs, enfin, en tout cas que moi, je qualifierais pas de purs. En fait, du coup, le groupe Pancras, depuis 2015, on explore vraiment des modes de jeu autour des orgues, de façon générale, qu'ils soient d'église ou à l'extérieur des églises. Et dans l'idée de pouvoir, avec nos pratiques de détournement aussi, où on s'intéresse à la matière du son et comment il est produit, etc. Donc, dans l'idée de mettre vraiment les mains dans la machine, de comment l'air est produit, etc. Et donc, quand on a voulu concevoir un instrument pour notre propre pratique, on a voulu avoir accès à la pression de l'air, au soufflet, à la circulation de l'air. Et donc là, le poumon de l'orgue, il est vraiment à cœur ouvert. Enfin, c'est accessible, visible et accessible pour le manipuler. Et donc là, il y a des poids d'haltère qui a 14 kilos qui sont juste là pour comprimer l'air. Mais voilà, on en enlève, on joue avec les pieds, avec les mains, etc. On s'assoit dessus.